Hey Joe, cours pas comme ça, hey, y a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même fait mon projet tout mon temps. Chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid, sans personne dedans.